très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici Histoire vivante, à demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la Première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Cette semaine, Madagascar. D'une insurrection à l'autre, une indépendance qui tarde à le montrer. Nizahai monima de tsimametraka fitokisana tanteraka alegavernamata fa manosaka azy fotsiny andeha arak'izay hitsy izay ilany vahoaka azy. Même le bon Dieu ne peut pas satisfaire le monde. Les étrangers se sont retirés et les malgaches, eux, continuent à s'interroger. Pourquoi ne réussissons-nous pas? Après une décennie de calme apparent, Madagascar se réveille en 1972 dans une nouvelle période de troubles. Les étudiants de Madagascar, un peu plus tard que leurs collègues de métropole, font à leur tour leur mois de mai. Ils se plaignent de ce que les examens et concours qu'ils ont à passer en vue de l'acquisition de leur diplôme soient plus difficiles, plus contraignants qu'en France, et qu'à la sortie des examens, leur arrivée sur le marché du travail reste toujours aussi incertaine. D'apparence banale, ce mécontentement, cette grogne, se transforme rapidement en un soulèvement populaire contre le régime et le néocolonialisme français. Le maintien de l'ordre se fait au prix de 42 morts, tout cela sans la panique d'une fin de règne. Le chef d'état-major des armées, Gaston Ramanantsoa, prend le pouvoir. Le président Tirana, en place depuis que l'île a acquis son indépendance vis-à-vis de la métropole, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, est déstabilisé. Dans un premier temps, l'arrivée de ce nouveau leader, Ramanantsoa, laisse le président à l'abri. Mais Tirana refuse de se comporter comme un simple chef d'État au-dessus de la mêlée politique. Il redevient le chef du parti, le chef de son parti, le parti qui, durant 10 ans, a su préserver sur l'île une sérénité et un dynamisme relatif. Au cours de l'été 72, l'affaire dégénère en un affrontement de personnes et chacun, le président Tirana d'un côté, le nouveau leader Ramanantsoa de l'autre, de s'agripper à la promesse du siège suprême. On se tourne dès lors vers la Vox Populi. Le nouveau chef, Ramanantsoa, soumet son programme politique par référendum. L'ancien chef contre-attaque en annonçant l'élimination de tous les bulletins portant la motion « oui » en invoquant la présence sur les 10 bulletins d'un portrait du général Ramanantsoa. Mais il n'est guère facile d'éliminer 81% des électeurs qui répondent donc favorablement aux perspectives du nouveau régime. Il est question de changement, l'île en a profondément besoin. Il est question également de nouvelles alliances, plus à l'est, sensiblement plus à l'est. C'est la fin réelle de la colonisation française qui, sous une présence plus discrète, avait perduré jusqu'à ce jour. 75 ans de présence qui se retire du décor pour laisser la place à une île presque toute neuve qu'on appellera désormais la République démocratique de Madagascar. Chapitre 1. Une île qui change de latitude. Qu'on ne s'y trompe pas, pour militaire qu'il soit, le général Ramanantsoa, qui prend les rênes du pays en cette année 1972, ne fait pas dans le coup d'État. Dans un premier temps d'ailleurs, c'est même l'ex-président Tirana lui-même qui, débordé par le mouvement estudiantin qui dégénère, en appelle lui-même à ce recours. Et puis surtout lors de la campagne référendaire, le militaire se comporte en démocrate. Il accepte, comme tout citoyen candidat, le marathon obligé de la tournée des popotes. Il faut serrer la main à tout le monde, faire les marchés, remercier, expliquer, séduire, enthousiasmer, bref, semer un peu partout des petites graines en espérant que ça prenne. Et pour le général, cela a pris sans doute par défaut, car les 10 années de pouvoir du président de Tirane, si elles se sont accompagnées d'une incontestable paix sur l'île, longtemps traumatisée par les 80 000 morts de l'insurrection de 47, ont été aussi des années de corruption pour le parti du président, et cela, le malgache en a assez. L'inévitable et incontournable corruption, commune à tous ces pays dont le développement relève du projet, la corruption c'est à la fois un mode de vie et un argument massif pour l'opposition en période électorale. Ramanan Tsoa aura habilement su l'exploiter, le reste de l'opposition à Madagascar dans ce début de décennie 70, où enfin après des années de consensus, les langues peuvent se délier, les journaux retrouver la parole, ce reste d'opposition n'est cependant pas à méconnaître totalement. Au lendemain du référendum, le journaliste Michel Baravel en rend compte. Il y a un parti qui n'était pas présent lors des événements du mois de mai pour une raison très simple, c'est qu'il avait été dissous. Il s'agit du Monima de Mutsadzone. En avril 71, le Monima avait organisé dans le sud de grandes manifestations qui avaient été très durement réprimées par le pouvoir. Et il y avait eu, on le sait maintenant, on le sait depuis très peu de temps d'ailleurs, il y avait eu quelque chose comme 3000 morts dans le sud. On avait la gendarmerie et les FRS, qui ressemblent si vous voulez au CRS français, étaient intervenus extrêmement brutalement à coups de mitraillette contre des gens qui se battaient avec des bâtons ou des sagaies. Donc il y avait eu quelque chose comme 3000 morts. Il y avait aussi des centaines et des centaines d'arrestations et tous les cadres du Monima étaient en prison lors des événements de mai, dont notamment le fondateur du Monima, Mutsadzone, qui est quelqu'un de remarquable, qui est une figure dans l'île, une figure morale, qui restera quelqu'un d'extrêmement fort, qui a beaucoup souffert pour ses idées et qui a été en prison d'avril 71 jusqu'au moment où il a été libéré par le général Ramanan Tsoa. Pour beaucoup d'intellectuels qui revenaient de France dans les années 60, rejoindre le Monima signifiait prendre position en faveur de la gauche et manifester un refus vis-à-vis de l'opposition légaliste. Chacun retrouvait dans la figure de Monjon l'aura de celui qui avait été l'un des inspirateurs de l'insurrection de 47, un nationaliste intransigeant et un homme politique de province qui n'avait jamais capitulé devant le président de Tirane. Un de ces leaders purs qui ne dérogent pas de leur sillon. Mais un parti n'est pas un seul homme, c'est aussi un collectif. Alors le Monima était... Il y a des éléments gauchistes qui s'étaient infiltrés dans le Monima. Des éléments qui cherchaient à le noyauter également. Alors le Monima et Mutsadzone, quand il est sorti de prison, a pris ses distances en face de ces gauchistes. Et maintenant, il y a une sorte de séparation. Ces gauchistes étaient, si vous voulez, des intellectuels de Tananarive, alors que le parti de Mutsadzone est essentiellement un parti de paysans du Sud. Finalement, le Monima, débarrassé, si vous voulez, plus ou moins de son aile gauchiste, a décidé de voter oui. Et j'ai demandé à Mutsadzone pourquoi son parti votait oui au référendum. Il y a deux raisons qui justifient le choix du Monima pour voter oui au référendum. La première raison, c'est que pour continuer la lutte que le parti Monima avait déjà engagée il y a une année par les manifestations qu'il a organisées, cette lutte actuellement a atteint un stade de nouveau. Et pour empêcher une marche arrière, le parti Monima a décidé de voter oui. La deuxième raison, c'est que le gouvernement actuel se trouve à une croisée de chemin. La première, c'est de mettre en place une démocratie libérale bourgeoise. Et la seconde, c'est d'aller réellement dans la recherche des intérêts du peuple. Si le Monima vote oui, c'est pour pousser le gouvernement actuel à prendre le deuxième chemin, c'est-à-dire vers la voie de la recherche des intérêts réels du peuple. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour prendre ce chemin? Nizahai Monima de Tsimametraka fitokisana tanteraka le gouvernement fa manose kazy fotsiny andeha araka ze hitsy ze ilany voakaja. Le parti Monima ne peut pas juger à l'avance le gouvernement, mais ce sera d'après ses actes qu'il jugera le gouvernement par la suite. Un leader pur qui connaît bien le langage patient et calculé de tout homme d'opposition, ne pas s'opposer par principe, mais seulement sur les actes. Un autre leader de l'opposition, le pasteur Richard Andrea Mangiato, se livre aussi à cet exercice. On a reproché à son parti, l'AKM, d'être resté en dehors du coup durant les événements de mai et de pointer après le bout de son nez pour voler au secours de la victoire. La réponse du chef du parti. L'AKFM a été absent, c'est trop dire, parce que vous savez, à Tananarive même, qui est quand même une ville fortement politisée, deux électeurs sur trois votent à AKFM. Nos militants, nos membres étaient présents dans toutes les manifestations, mais il y avait un mot d'ordre qui avait été lancé à l'époque, c'est-à-dire que on ne voulait pas afficher, quand je dis on, c'est-à-dire ceux qui avaient dirigé les mouvements, ne voulaient pas qu'on affiche des partis politiques. Alors nous avons donc accepté cette situation pour ne pas semer la confusion dans les mouvements. Après, seulement a posteriori, on a traduit ceci comme étant une absence de la KFM. Et comment se fait-il alors que on fasse d'un certain vide politique, tout de même on ait fait appel à l'armée plutôt qu'à la KFM, qui était le parti d'opposition au moment où le pouvoir du président Cyril Hanouna s'est effondré? Ceci, c'est plutôt sur le plan de la stratégie internationale. Sur le plan international, il y avait évidemment le fait patent que ni les Français, enfin une certaine fraction tout au moins de l'opinion française sur place, et disons une certaine politique de certains représentants de la France, ni les Américains qui voulaient absolument donc repousser les Français pour prendre la place ici, eh bien, ces deux grandes puissances, en tout cas, ne voulaient pas d'une solution à KFM. Ça, nous le savons. Depuis toujours, c'était leur politique, nous savions. Tant et si bien qu'un appel direct à la KFM aurait faussé les données du problème, en ce sens que les grandes puissances qui sont présentes d'une façon ou de l'autre ici, auraient agi d'une autre façon. Alors, nous ne pouvons pas agir comme irresponsables. Nous devons toujours peser, enfin, tous les facteurs qu'il y a, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. C'est ce qui explique, si vous voulez, notre stratégie dans toute cette affaire de mai. Mais c'est ce qui explique aussi, de l'autre côté, que la population, quand même, s'attend maintenant à une reprise des choses dans une optique que nous aurions définie. Une opposition sur le qui-vive, des grandes puissances qui en arrière-plan tirent les ficelles, Madagascar est bel et bien un tout petit bout de terre non négligeable sur le plan stratégique. La suite dans quelques instants. C'est un cri à l'aide que lance le groupe Njava. Qui donc va aider Madagascar à sortir de la misère, de la sécheresse et des conflits incessants? Njava, interprète Vetsé. Non manela de hanane, non manou inadi hudumbe. Retour à Histoire vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic RTS. Faites preuve de prudence si vous circulez sur l'autoroute Vevey-Fribourg. Des objets sont tombés sur les voies entre Bulle et Recens en direction de Fribourg. Histoire vivante sur la première. Cette semaine, Madagascar. D'une insurrection à l'autre, une indépendance qui tarde à le montrer. Chapitre 2. Plus comme avant. En cette année 72, on a voulu en finir avec le colonialisme, on a voulu en finir avec la corruption. Un nouveau chef sur l'île de Madagascar est à présent en place, le général-président Rabanansoa. Il veut sans doute lui aussi que cessent ces conversations insensées, ces situations médiévales que confie à Jacques Beaufort au cours d'une édition de magazine 72, Monsieur Destenet, expert auprès de l'ancien gouvernement malgache. En plein bled, j'ai pris un repas il y a quelques mois, à midi, et j'ai parlé avec des malgaches. Et ils m'ont dit, général de Gaulle, il ne pourrait pas revenir? Et on ne pourrait pas être de nouveau sur la colonie française? J'aurais pas dit, mais il est mort. Ils m'ont dit, mais c'est pas vrai, il n'est pas mort, on raconte ça en Europe, mais il faut qu'il revienne. Moi, je vais écrire au général de Gaulle. Vous voyez où on en est? Il y a une sympathie pour le français indéniable. Maintenant, c'est le contraire dans les couches de population éclairées et intellectuelles. Et ça se comprend parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'il existe encore un colonialisme. C'est un mot usé que je n'hésite pas quand même à redire. Je n'aime pas les mots que l'on dit partout et tous les jours, mais c'est quand même réel. Il y a un colonialisme commercial invraisemblable. Disons que rien n'a changé au point de vue commercial, que tout le commerce de Madagascar est tenu entre 4-5 groupes financiers. Qui sont des groupes français ? Qui sont des groupes français. auxquels viennent s'adjoindre maintenant certains Italiens ou autres, n'est-ce pas ? Mais jusqu'à maintenant, c'est Français qui ont chacun leur banque, leur grand commerce, n'est-ce pas ? Et la marge bénéficiaire est considérable qui retourne en France, c'est considérable. Et ça, de l'aveu même des commerçants, je peux nommer le directeur d'une grosse maison de commerce française qui me l'avoue lui-même. N'est-ce pas ? Alors, vous avez là quelque chose d'invraisemblable au point de vue produit pharmaceutique. Quand un pharmacien gagne 60% sur le produit pharmaceutique, n'est-ce pas ? Et que le paysan n'a pas de quoi se le payer, n'est-ce pas ? Que c'est le plus pauvre qui paye le plus cher, d'ailleurs. Je vous donne un cas, je vous donne un exemple. J'ai acheté un litre de peinture en Cadivat, qui est un banlieue de Tananarive. C'est là où viennent s'approvisionner les broussards, les gens de la brousse. J'ai payé 120 francs. CFA, malgache par conséquent, un petit commerçant malgache, le litre de peinture. J'ai été à l'intérieur de la ville, vous voulez que je donne le nom ? Eh bien je donne le nom, ça m'est complètement égal, chez Darieux. J'ai été acheter le même litre, je l'ai payé 100 francs CFA. Pourquoi est-ce que j'ai eu tout à coup 20 francs d'économie ? Pourquoi ? Parce que je me suis adressé, j'étais français, m'adressant à une grosse société française, et j'ai eu mon truc pour 100 francs. Par conséquent, le petit malgache paye ça 120 francs, et moi, le capitaliste français, de passage, l'assistant technique, je paye ça 100 francs. Il paye plus cher que moi. Et tout est comme ça, je me permets de le dire. N'est-ce pas ? Le détaillant malgache passe par des grosses maisons et à chaque fois, ça coule. Voilà. Mais Madagascar est devant un certain nombre de problèmes qui dépassent et de loin ses compétences, ainsi que celles de tout gouvernement qui, en ce début de décennie 70, prend les rênes du pouvoir. On vient de faire dans l'Ouest, sous l'initiative de Ressamp, une chose qui est presque incroyable. Et probablement ce qui sera la plus grande orangerie du monde. 5000 hectares d'orangers. J'ai vécu sur place plusieurs semaines pour étudier le phénomène. Vous allez avoir là, et c'est déjà, il y a déjà, je crois, près de 2000 hectares prises sur les forêts de baobab. Il y a des forêts de baobab splendides. Et on produit des oranges. Dans 3 ans, je pense que vous aurez des millions d'oranges par an. Bon, mais pourquoi faire et quoi en faire ? Premièrement, vous n'allez pas pouvoir l'exporter. Parce que les marchés européens se défendent. D'abord, tous les marchés sont pris, tous les grands commerciaux sont faits, les jeux sont faits. Et c'est une orange couleur verte qu'on peut traiter pour qu'elle devienne jaune. Elle est très bonne pour le jus, si vous voulez. Excellente. Mais alors, vous allez faire du jus de fruits ? Mais voyons, où est votre marché ? Où est votre marché ? En Europe ? Mais voyons, vous avez le fret considérable qui va avoir une incidence telle sur le produit, sur tous les produits malgaches. Malgré que c'est un pays trop éloigné. Non seulement il est en retard, mais beaucoup trop loin. C'est un pays perdu dans l'océan. C'est comme un navire en perdition dans un grand océan. Très loin de tout. C'est ça qui est très dommageable pour Madagascar. Un dernier éclairage donné par cet expert français qui, à lui seul, éclaire la situation non seulement de Madagascar, mais d'un grand nombre de pays sous-développés au début de cette décennie 70. Madagascar, il faut être très inventif. Il faudrait d'abord que l'assistance technique française, qui est partout là-bas, qui a une influence bénéfique, certes et combien, malgré tout, quand même, repense les problèmes. On ne transplante pas une industrie comme ça de but en blanc, j'ai vu ça de très près. On ne prend pas une industrie du verre et transporter les machines et puis tout est fait. C'est pas vrai. Parce que la machine qui sert ici, à qui au minimum vous fait 9 bouteilles à la minute, parce qu'elle ne peut pas aller plus lentement, vous la transportez là-bas, elle va encore déjà trop vite. Ici, vous faites vos fours à verre, je donne des exemples, n'est-ce pas ? Avec du fioul numéro 1, qui est du fioul extrêmement épais. Pourquoi ? Parce que toute votre économie est là-dessus. Vous n'allez quand même pas faire chauffer vos fours avec de l'essence. Là-bas, si, Chauffez vos fours avec de l'essence et du gasoil, parce que le transport est moins cher de gasoil et d'essence. Par conséquent, si vous voulez, même au point de vue technique, vos façons industrielles sont très spéciales et très spécifiques. Par conséquent, il faudrait davantage que l'assistance technique européenne envoie sur place, peut-être moins de cerveaux, mais des gens qui sont sur place pendant longtemps et qui voient les dimensions des problèmes. Point de vue agricole, c'est pareil. Ici, il faut labourer. Là-bas, faut surtout pas toucher au terrain. Vous avez un humus extrêmement tenu. Dès que vous ouvrez un terrain que vous labourez, vous êtes fichu, le soleil brûle tout. Il faut prendre des sous-soleuses. Alors on passe des instruments qui passent sous le sol. Et c'est sous le sol que vous mettez vos engrais, surtout sans toucher le dessus. Tout ça, ce sont des façons très spécifiques. Je crois qu'il y a des lois industrielles, d'implantation industrielle et agricole et économique très spécifiques des pays sous-développés, qui sont presque l'inverse des nôtres. Et je serais content de terminer presque là-dessus, parce que si on découvre ça, je crois qu'il y a une solution pour ces pays-là. Demain, les années de pouvoir du président suivant, Didier Ratsirak, la galère malgache où le spectre de l'insurrection refait surface à l'aube des années 90. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse Romande, José Tsuyo. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, David Golan. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rochat. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. We are crazy. We'll Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.